Bien dans l'émission La Vie Punk, hein, La Vie Punk, une émission qui vous présente un mouvement, un style en musique. C'est notre première à l'antenne, alors on va commencer par des présentations. Bonjour à tous. Bonjour. Alors allez-y, présentez-vous. Je suis Lina et j'ai décidé de participer à cette radio parce que ça me semblait être un bon moyen de diffuser de la musique et des connaissances facilement, et donc dans mon temps libre je fais de la basse et j'appartiens à un groupe de musique qui se nomme Altav. Et bien moi c'est Alina et pas Lina. moi aussi je suis passionnée de musique et du coup j'ai décidé de participer à cette émission radio pour pouvoir diffuser de la musique qui n'est pas souvent ou du moins très rarement diffusée à la radio, tout en apprenant plus sur des sujets divers et variés dont je connais plus ou moins des connaissances. Également, moi aussi, je joue de la basse, mais aussi de la guitare, je chante un petit peu, je fais aussi de la batterie, du piano. En gros, tous les instruments d'un groupe de rock, je maîtrise. Et je fais partie d'un groupe qui s'appelle Popcunt. Eh ben moi c'est Aldric et pas Lina, je fais dans mon temps libre, du coup je suis le président du club Altav, je fais de la guitare, je me suis mis à la radio après une découverte ici à Radio Fadjet, et puis du coup on s'est dit avec Lina pourquoi pas essayer l'expérience. Allons-y. Et voilà, et puis on a quelqu'un qui est venu nous aborder, du coup Alina, et puis voilà. On s'est lancé. On s'est mis à mettre de la musique pour changer des musiques très habituelles et très traditionnelles de la très radio. Très commerciales. Pour un peu faire découvrir de nouveaux styles et de nouveaux genres. Et aujourd'hui, nous allons parler du post-punk, justement. Alors, on va commencer par de l'actualité sur Nancy et ses alentours. Ensuite, du coup, on va présenter le thème, puis passer des musiques qu'on aime. Et à la fin, on finira par des coups de cœur. D'ailleurs, en parlant actu, jingle ! La Minute Actu ! Très bien, je vais commencer par vous présenter mon actualité. Ce sera l'Entre-deux-Manus sous le hangar du Père Hubert, la deuxième édition de ce festival qui aura lieu le 15 juin 2024. Il a été créé en 2013 à Corny-sur-Moselle, c'est dans la Moselle, le 57, bisous à nos amis mosellans qui nous écoutent, par Hervé Jacquemin et Emmanuel Pauzy. En effet, ce festival, on y passe de tout et de rien, du heavy metal en passant par le pop, le blues, le jazz, le rock, ainsi que l'électro, pourquoi pas. Il y a plusieurs groupes qui viennent, des groupes du UK, des groupes du USA. Donc le festival aura lieu le 15 juin 2024. Du coup, à la ferme de Marly-au-Bois, à Cheminot, le 57, en Moselle, toujours. Et puis, alors, l'entrée n'est pas gratuite, elle sera de 10€, sauf si vous avez en dessous de 12 ans. Si vous avez en dessous de 12 ans, qu'est-ce que vous faites ici à nous écouter, sérieusement? Vous n'avez pas mieux à faire, vos devoirs, par exemple? Non mais sérieux, on est où? Et puis, je laisse la place aux autres. Le Festival de la Palette fait son retour le 21, 22, 29 et 30 juin 2024 pour sa quatrième édition à Maron. Oui, et on n'a pas encore le line-up. Aussi également à Essay cette fois-ci, il y a la 27e édition du Essay Chantant. Donc ce sera le 9 mai de 10h à 19h. Alors il y a plusieurs groupes qui vont passer. À 14h30, il y a les Grands Voyageurs. À 16h, Mesdames. Et à 17h30, le groupe Carpathes. Super, fin de la minute actu, je suppose. Exactement. On va passer par nos sélections. Alors, on a chacun choisi deux musiques en rapport avec le thème, je le rappelle, post-punk. Voilà, alors on va commencer par une... Qu'est-ce que le post-punk, au final? Qu'est-ce que le post-punk, c'est vrai? Donc, le post-punk, c'est un mouvement émergent dans les années 80. Donc, comme son nom l'indique, en fait, le mouvement post-punk prend ses racines dans le punk et garde le côté fait maison, un peu du garage rock dont s'est inspiré le mouvement punk. Mais le mouvement post-punk cherche à se détacher des clichés du rock'n'roll en expérimentant et en cherchant des sonorités nouvelles, ou alors vraiment à garder les sonorités classiques du mouvement punk. On peut également noter que c'est un mouvement qui a été récupéré entre guillemets par les intellectuels new-yorkais, ce qui a permis une espèce de fusion avec par exemple le free jazz. Voilà. Le post-punk, il est très vite aussi arrivé en France, hein, l'année suivante ou même 2 ans après, avec des groupes tels que Sex, Beer and Noise ou Untitled. Donc voilà. Le mouvement aussi il s'est répandu du coup dans tout le monde, et avant de passer en France, il a commencé en Amérique et en Grande-Bretagne. Alors en Amérique, il s'est d'abord implanté dans des grandes villes comme New York, Washington ou Boston. Et en Grande-Bretagne, des villes comme Londres, Manchester ou Leeds. Mmh. Des groupes connus aussi du mouvement post-punk, il y a Siouxsie and the Banshees, The Cure, Joy Division et The Talking Heads. Des groupes bien évidemment qui sont toujours d'actualité. Hein. C'est The vrai. Cure, on écoute toujours. Ils passent encore d'ailleurs. Moi, je les ai vus en tournée. C'était quoi ? C'était il y a 2 ans à Strasbourg, il y a 1 ou 2 ans. Mm-hmm. Et ils ont toujours la pêche. Ah bah, c'est super. Ils sont pas un peu âgés maintenant ? Ils ont quel âge quoi ? Je pense qu'ils doivent avoir dans les 60 ans. Hein. Ouais, 65, j'aurais dit quelque chose comme ça. Eh bien, passons à notre première musique, du coup, Cool Thing de Sonic Youth. Yeah. Vous êtes toujours bien dans l'émission La Vie Punk, une émission qui vous présente un genre, un style, un mouvement en musique. On vient d'écouter Cool Thing de Sonic Youth. Elle tue, elle tue. C'est vrai, c'est vrai. Sonic Youth, qui est un groupe emblématique du post-punk et qui a inspiré d'ailleurs de nombreux groupes. Alors, Sonic Youth s'est formé en 1981. C'est un groupe new-yorkais. Et ils sont notamment considérés comme l'un des groupes ayant redéfini un peu le son que l'on pouvait obtenir avec la guitare. De par leur racine punk, le groupe est notamment connu pour les guitares dissonantes et vraiment l'émotion à travers toute leur discographie, que là, ce soit un petit peu, on va dire, limite de la rage, ou alors des sons même plus calmes. Ils se sont malheureusement séparés le 14 octobre 2011, après le divorce des deux membres principaux du groupe, et après 27 ans de mariage, ça fait quand même beaucoup. Et Cool Thing, c'est un de leurs premiers singles qui a vraiment cartonné dans les radios étudiantes. La musique est de leur sixième album en studio, qui est nommé Goût, qui est de 1990. Eh bien, ma foi, ça fait pas mal d'informations. C'est vrai. Sonic Youth, je sais pas si vous connaissez, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de cette musique. Moi, je l'adore. Ouais, personnellement, je trouve que c'est vraiment... ça définit vraiment la période. Je ne connaissais pas, mais... Sonic Youth, d'ailleurs, ils ont notamment fait des tournées avec Neil Young et Nirvana. Ah, wow. Ouais. Ok. Et ils ont inspiré notamment le guitariste de Radiohead et très fan de Sonic Youth. Mm-hmm. Donc vraiment, ça, pour les groupes qui les ont suivis, c'était vraiment une grosse influence. Oui. Ouais, en tout cas, c'est toujours cool de savoir ça. Et écoutez, on va passer à la prochaine. On va écouter Blue Monday de New Order. Et puis, on débriefe juste après. We'll be right back. êtes toujours bien dans La Vie Punk, une émission qui vous présente un style, un mouvement en musique. Pour rappel, on est sur le mouvement post-punk. Donc nous venons d'écouter Blue Monday du groupe New Order, qui est donc sorti en 83. C'est une chanson que j'apprécie particulièrement, car c'est mon père qui me l'a fait découvrir. Comme à chaque fois. Et voilà, comme à chaque fois. Et voilà, je l'aime beaucoup, j'écoute très très souvent. C'est vrai qu'elle s'inscrit bien dans le mouvement post-punk, justement notamment sur le principe un peu de se renouveler et de tester de nouvelles choses, tout en gardant un peu cet esprit de « on garde nos racines, vraiment ». C'est clair que moi personnellement je la connaissais grâce à TikTok, parce que elle passe sur TikTok, mais j'avais jamais entendu en entier, franchement... le passage sur TikTok, c'est le moins bon, j'ai l'impression. Mais oui. Franchement. Moi, je la connaissais grâce à ma mère. Et ce qui est beau et pas très beau aussi dans ce groupe, c'est que New Order, en fait, c'est le groupe qui s'est formé à cause de la mort d'un des membres du groupe Joy Division, qui a précédé New Order. Voilà. Et ça reste un petit peu toujours dans la même direction artistique. Direction artistique, DA. Ça s'entend. Ouais, et c'est vrai que niveau racine post-punk, c'est pile dans le thème. Place à la suite. On va écouter Loup-garou d'Élise Cabane. Et puis à tout de suite. Je voudrais qu'une métamorphose me transforme en loup-garou. 1, 2, 3, je tape à votre porte. 4, 5, 6, je suis avec vous. Bien dans La Vie Punk, une émission qui vous présente un style, un mouvement en musique. On vient d'écouter Loup-garou d'Élise Cabane. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau ? Eh bien déjà, il fait partie de l'album Des Jeunes Gens Modernes, le volume 3, donc qui regroupe pas mal de choses comme le post-punk, le cold wave et la culture nova en France. Il a été fait dans les années 78 à 83. La musique, du coup, parle d'une petite fille maltraitée par ses parents qui rêve la nuit, du coup, de devenir une forte femme loup et invulnérable, sauf qu'elle est entourée, entre guillemets, de ses peluches jouets et plus tard prend place, en fait, la féminité à la virilité. Et c'est un peu une critique de la gente masculine qui cherche souvent à opprimer la féminité par la virilité. Ouais. Et elle imagine entre guillemets l'inverse dans ses rêves de jeune enfant. Et bah franchement, une très très belle découverte, ah oui, j'ai beaucoup apprécié. Moi ça, personnellement, ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est un peu sexy sushi, la femme. C'est ce qu'on disait. Hein. C'est vraiment, je pense, très contemporain et en avance sur son temps. So well, and if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've Eddie the Hag now from Dublin to Paris, and if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain. Man in profits and the bastard walks by. Vous êtes toujours bien dans La Vie Punk, une émission qui vous présente un style, un genre en musique. On vient d'écouter I Love You de Fontaine D.C. Les impressions? J'adore. J'adore aussi. Franchement, c'est une chanson géniale. Particulièrement simple, efficace. Oui. Comment tu l'as découverte? Oh bah c'est une personne qui compte beaucoup pour moi qui me l'a fait découvrir et voilà. Ah écoutez, on va passer, je pense, à la suite si oui. On n'a rien de plus allons-y. À dire. C'est parti, passons à Swamp Thing de The Chameleon. Down at the floor. Vous êtes toujours bien dans La Vie Punk, une émission qui vous présente un style, un mouvement en musique. On vient d'écouter Swamp Thing de The Chameleon. Alors The Chameleons, c'est un groupe anglais issu de Middletown, donc c'est une petite ville près de Manchester. Et le groupe s'est fondé en 1981, puis il s'est séparé en 87 à cause de la mort de leur producteur. Mais ils se sont tout de même réunis en 2000 et du coup après ils ont refait des tournées, ils ont même refait des albums. Le groupe n'a pas eu autant de succès commercial que par exemple des groupes comme Sonic Youth durant les années 80, mais cependant ils ont réussi à acquérir une fanbase vraiment très fidèle et dévouée. Something est le cinquième son de leur premier disque de l'album Strange Times, paru en 1986. Et d'ailleurs, beaucoup s'accordent à dire que la musique réfère notamment au sentiment de vouloir un peu être seul, mais de ne pas y parvenir avec plusieurs éléments extérieurs. Et je pense que c'est l'une des choses qui fait que j'aime autant la musique. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, perso, je connaissais pas. J'aime bien, comme on disait un peu, ça m'a fait un peu penser à The Cure. C'est peut-être moi qui est un peu à côté. Mais c'est vrai, tous les The Cure, c'est vrai que ça... Ça m'a fait penser un peu à ça. Après, du coup, The Cure, aussi groupe post-punk, c'est vrai qu'on retrouve quand même des similarités sonores. Quelque chose à ajouter peut-être, Lina ? Non, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça... Eh bien écoutez, on va passer à la dernière musique post-punk avant les coups de cœur. Cette fois-ci, quelque chose d'un peu plus récent, on va écouter du Molcha Doma. On va écouter Kletka. Thank you. Vous êtes toujours bien sur La Vie Punk, une émission qui vous présente un style, un mouvement en musique. On vient d'écouter Kletka de Molchadoma. C'est du coup une musique russe, ça change. Molchadoma, ça se traduirait grosso modo par « Les maisons sont silencieuses ». Voilà, donc c'est un groupe assez récent, hein. Il vient de sortir en 2017. Même si on les compare souvent à des Russes, c'est des Biélorusses. Voilà, pour la fun fact. Je savais pas. Non, j'ignorais aussi. Biélorusse, mais du coup, qui chante en russe. Bah, parce que la Biélorussie, c'est, c'est des Russes, grosso modo. Hein. Oui. Sans faire de stéréotypes. Les compare souvent à des Russes, mais attention, c'est pas des Russes. Oui, bon, enfin, c'est la même chose que des Russes, quand c'est même. Pareil. Hein. Bah, quand t'as le mot Russie dans ton truc... c'est que t'es russe. Franchement, un bon choix, parce qu'en plus, du coup, ça nous permet d'avoir une musique plutôt récente, mais qui se rattache quand même au post-punk. C'est vraiment intéressant, ouais. Ça se voit que le mouvement persiste après tant d'années. Oui, bon, le post-punk et le punk ne mouriront jamais. On espère. On va passer décidément au coup de cœur. Nous mourrons. Les coups de cœur. On va commencer par une première musique de Korn, Y'all Want a Single, qu'on va écouter tout de suite. Y'all want a single, say suck that, suck that, suck that. Y'all want a single, say suck that, suck that, suck that. Y'all want a single, say suck that, suck that, suck that. Y'all want a single, say suck that, boom, boom. Vous êtes toujours bien dans La Vie Punk, une émission qui vous présente un style, un mouvement en musique. On vient de passer au premier coup de cœur. Il y a le Want a Single du groupe Korn, qui est donc sorti en 2003, et on vient d'écouter la version censurée. Voilà. Malheureusement. Hélas. On est rendu compte en écoutant qu'on a enregistré la mauvaise. C'est étonnant, je pensais pas qu'il y avait une version censurée. Quand même, c'est intéressant. Ouais. Franchement, comme quoi, redécouverte de cette musique. Et moi, je trouve que ça prend une toute autre tournure. Et moi, je trouve ça limite plus vulgaire de dire suck that que fuck that, hein, personnellement. Bah, c'est surtout que quand t'écoutes après les paroles de la musique, ça a plus réellement d'intérêt. En plus, oui. Après, Korn, c'est pas forcément les gens qui font très dans la dentelle. Hein. Il y a beaucoup de musique, celle-là, Adidas. Bon, bah, c'est très. Très cru. Très cru, ouais. On n'écoute pas ça pour de la grande poésie. Voilà. Mais personnellement, ouais. Moi, Korn. J'aime beaucoup. Ouais, oui, pareil, j'aime beaucoup. J'ai connu grâce à Twist, perso, la musique, elle est assez particulière, Twist. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà écouté, mais écoutez-la. Je sais plus comment j'ai découvert Korn. Qu'importe, en tout cas, on va passer au deuxième coup de cœur. Donc c'est Take It Easy, My Brother Charlie. Une musique type bossa nova que j'apprécie beaucoup et que j'ai découverte grâce à une interview de Ed O'Brien, l'un des guitaristes slash membres de Radiohead, encore Radiohead hein. Encore toujours. Oui, qui est très fan de tout ce qui est musique de ces styles là. On va l'écouter. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor. A rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida, querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada. Esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Charlie. Take it easy, meu irmão de take cor. It easy, my boy. Take it easy, my brother take Charlie. Take it easy, my friend. Take it easy, meu irmão olha. De cor. Olha como o céu é azul. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito já. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo. Toujours bien dans La Vie Punk, une émission qui vous présente un style, un genre, un mouvement en musique. On vient d'écouter Take It Easy, My Brother Charlie de George Benjor. Je prononce sûrement mal sans accent, mais bon. Comme je l'ai dit, du coup, c'est une musique que j'ai découverte dans une interview de Ed O'Brien. Et personnellement, avec l'arrivée des beaux jours, je trouve que c'est le son à écouter. Je sais pas ce que vous en pensez. L'arrivée des beaux jours Oui, l'arrivée des beaux jours au passé. Au moment où on enregistre ça, il vient de pleuvoir à torrents. Mais regardez, il y a des rayons de soleil. Ouais, bah il y a aussi des beaux nuages derrière. Hein. Il faut faire venir les beaux jours, voilà. Exactement. Avec c'est mental. Musique. Et pour faire venir les beaux jours, quoi mieux que de la musique suivante, Takada Jones, Mort au con. Shout Vous êtes toujours bien dans La Vie Punk, une émission qui vous présente un style, un genre en musique. On vient d'écouter Mort au con de Tagada Jones. Les fameux beaux jours arrivent, comme tu disais. On parlait juste avant du beau temps et moi je disais que bah, ça aussi, ça rapportera le beau jour, le moment où il y aura moins de fachos. Ouais. C'était une émission du coup présentée par nous, Alina, Lina et Aldric. N'oubliez pas La Vie Punk, une émission qui vous présente un genre, un mouvement, en musique.